Que les tourments se délassent, un jour il n'y a plus de place. Se détourner ou encourager la mort, ne se soucier que du bénéfice, mettre en avant le vice, écrire, écrire toujours à des femmes. Des femmes qui m'ignorent, quel est donc ce doux visage qui persuadera d'en finir? Je n'ai que toi, très cher, je n'ai que toi, je n'ai que toi, très cher, je n'ai que toi. La la la la la la la la.